vente. Y'a tout, j'achète la dernière Lamborghini. T'es pas en mode pas cul. Fréquente, j'suis dans l'effet divers, chacun j'suis aigri. J'suis dans la picrave, la vente. Y'a tout, j'achète la dernière Lamborghini. On est posé dans le bench. Mauvais, mauvais dans le fond. Si je chauffe comme un Benz, Dika, pas toi tu fais pas un rond. Mauvais, mauvais dans le fond. Mauvais, mauvais dans le fond. Si je chauffe comme un Benz, on a bossé dans le bac, c'est la voisine du 3 veut déménager. Les Yankees sont bons qu'à revenir comme mon ex. On a la patate pour les régaler. Et s'il y a pépin le peuple on va pénal. Et tout juste après la GA. Dis-moi, ça coûte combien qu'on le TH. Ton équipe est bonne qu'à tes mains. Nous on est Kingstar depuis les Atemi. Même si je les ai remplacés par des Marjolins. Ressaisis-toi en période décisive, faut pas être paresseux, la peuf c'est par ici. Que de la haine que j'aperçois, perso si tu m'attaques, pote sois précis. J'arrive chez toi vers 9h30, à 10h pile j'ai plus d'ennemis. Elle veut que je la baisse comme un animal, on filme de la moula qui vient des spades. Tu nous fréquentes, je suis dans les faits divers, chacun je suis aigri. Je suis dans la bicrave, la vente, bientôt j'achète la dernière Lamborghini. Tes parents veulent pas, tu nous fréquentes, je suis dans les faits divers, chacun je suis aigri. Je suis dans la bicrave, la vente, bientôt j'achète la dernière Lamborghini. Faut qu'à bosser dans le bench. Mauvais, mauvais dans le fond. C'est le chauffeur dans la Benz. Quand toi tu fais pas un rond. Mauvais, mauvais dans le fond. Mauvais, mauvais dans le fond. C'est le chauffeur dans la Benz. Quand toi tu fais pas un rond. Espèce de trou du cul, pas de trou dans les comptes. Tes parents veulent pas que tu nous fréquentes. J'arrive ganté, ce soir c'est gâté. Pour tout saccager, pas de ceux qui jactent. Je raconte une mégalias devant mon ex. Je suis en flexe, j'ai passé toute ma journée dans le bank. Je tenais le sac et je contenais ma haine. Le coup d'envoi démarre à midi pile. Je te vois en chelou, check pas de l'épaule. Check pas de l'épaule, t'es qu'une cookie. Je t'avais dit de fermer la boca. Mais toi t'as tout dit, plata, plata, plata, plata. Si t'es pas d'accord, c'est plomo. Attends, attends, attends, attends. Méchant N-I-L-E-T-O. Nos broliques font la météo. Tu nous fréquentes, je suis dans les faits divers. Chacun, je suis aigri, je suis dans la pique. La vente, bientôt j'achète la dernière Lamborghini. Tes parents veulent pas que tu nous fréquentes. Je suis dans les faits divers, chacun je suis aigri. Je suis dans la picrave, la vente. Bientôt j'achète la dernière Lamborghini. On est mon cas bossé dans le bench. Mauvais, mauvais dans le fond. C'est le chauffeur dans la Benz. Quand toi tu fais pas un rond. Mauvais, mauvais dans le fond. Mauvais, mauvais dans le fond. C'est le chauffeur dans la Benz. Quand toi tu fais pas un rond. On y va. Écoute.